Section 37 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 37. L'adoré par René Mézeroy, novembre 1885. La neige, les flocons blancs qui s'échevèlent et s'écrasent contre les fenêtres. Le parc, comme enveloppé d'une grande housse propre, que trouent les arbres et que marquent de taches noires des vols éperdus de pinsons. Les mâles sont bouclés, le landau est attelé, et comme un enfant, tandis que Marthe épinglait son chapeau et mettait ses gants, j'ai parcouru vite, vite, chambre par chambre, toute la maison. J'ai dit adieu aux vieux meubles, à la vieille épinette, aux portraits pendus le long des murs. J'ai cherché une dernière fois, dans les plis des rideaux, dans les coins d'ombre, la trace de nos tendresses. J'avais des larmes plein les yeux, le cœur gros, comme en quittant un ami qui fut bon et serviable, qui vous donna la meilleure place à sa table, et vous accueillit les bras ouverts après quelques douloureux chemins de croix où les pieds s'étaient meurtris, où l'on avait cru perdre toutes les forces et toute la raison. Je me suis arrêtée jusque dans la cuisine où un jour elle avait eu le caprice de faire des confitures et s'était tant amusée. Je suis allée dans la neige revoir le tilleul, le banc d'où l'on aperçoit la mer, le chemin sous les platanes, où les cygnes blancs la suivaient avec des frémissements d'ailes et des faunes au regard railleur et les arbres du verger. Qu'il faisait froid et triste et sombre, que les beaux mois de bonheur et de soleil avaient été courts. Et ce froid me gagnait, me glaçait tout le corps, m'accablait à en mourir. J'étais comme perdue sur une très haute montagne, où les appels désespérés se perdent, sonnent en vain dans l'absolu silence. J'avais la sensation exaspérante que plus jamais je ne reverrai ceux que j'aime et qui m'aiment, et les paysages familiers, et le logis encore chaud de ma présence, et mes larmes coulaient, et une atroce angoisse m'étouffait. Marthe était déjà installée au fond du landau, avec tous ses cartons, et les paquets et elle me cria d'un ton irrité. « Vous êtes fou de courir par un temps pareil, et vous allez nous faire manquer le train. » C'est dans ce troisième cahier, une suite de sensations brèves, affolées, vertigineuses, comme au fond de quelque gouffre, la chute d'un corps qui roule, rebondit, se déchire, s'écrase contre les pierres aiguës et les ronces. Des feuillets nombreux en sont arrachés. Les mots sont à peine lisibles à certaines pages, griffent le papier, se terminent en jambage informe. On dirait d'un testament qu'aurait écrit un condamné qui tremble, qui a peur de mourir et qui songe désespérément au passé. Fin de la section 37, enregistrée par Margot.